Il y a un passage obligé, c'est la chronique d'Aymeric Lomprey, sobrement intitulée « La chronique d'Aymeric Lomprey, messieurs, dames ». Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu ! Ouais, hey, vous devez deviner qui je suis. Je me déshabille. Aymeric Lomprécoce. Bon. Ouais. Ça ne nous avait pas manqué, mais ouais, là, ouais, là, mais attendez, là, il y a des gens, ils disent « Putain, ils se foutent de notre gueule, c'est exactement pareil qu'à France Inter !» Pas du tout. Là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Là, chaque chronique, ça va être du papier à musique. De la soie de Limoges. Non, parce que, en fait... Non. On se moque pas. Non, parce qu'en fait, à Inter, souvent, j'avais des retours des gens qui disaient « Aymeric, t'es un génie !» Mais pas dans tes chroniques. Du coup, cette année, j'ai décidé de changer de recette. En plus, j'ai remarqué, les gens, ils aiment bien quand on change de recette. Genre, par exemple, nouveau Premier ministre, mettez-en moins 8. Comme par exemple avec le Nutella. Avant, le Nutella, il tuait des vaches, des singes et des gros. Maintenant, il tue plus que des singes et des gros. Voilà. Alors, c'est ça que ta chronique m'a déstabilisé. Mais... Après, il faut... Non, mais moi, c'est un personnage... Non, attendez. Après, il faut aussi se mettre à la place des vaches, qui doivent être très contentes. Les vaches, elles doivent être là. Moi, j'ai pas bossé. Non, mais les vaches, elles doivent être là. Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Moi ? Oui, toi. Tu sais pourquoi t'es vivante ? Non. Parce qu'on n'est plus dans du Nutella. T'as encore fumé de l'air, Marguerite. Non, j'ai pas fumé. Prouve-le. Bah, demande à Marguerite si elle m'a livré de la Marie-Jeanne cette semaine. Marguerite ! Marguerite ! Quoi ? Non, pas toi, l'autre. Ah ! Laquelle ? Celle avec ses dreadlocks et son lait de soja. Marguerite ! Bon, là, c'est vrai que ça fait un peu encore foutage de gueule de France Inter, mais là, c'est bon, je change mon fusil. Alors, je vais vous parler de l'affaire Paul Watson. Ah ! Oui, il y a un thème, en fait. Oui, il y a un thème. Alors, tout le monde voit qui est Paul Watson ? Non, mais je demande, parce qu'à France Inter, je sais que le public était érudit, mais là, les... Non, mais là, les gens de Nova, je les imagine comme ça. C'est super, ça, autogazan. Viens, on va faire du sissi-foot. Non, alors, Paul... On a le droit. Paul Watson, c'est un monsieur qui ressemble à Didier Raoult, mais en sympa. Enfin, on croit qu'il est sympa. Attention aux apparences. Attention aux apparences, parce qu'on a vu avec l'abbé Pierre. On n'est pas à l'abri de découvrir dans 6 mois que Jean Moulin, il était là. Allez, Lucie Aubrac, allez, allez, cesse de résister. Oui, c'est un personnage. Ouais. Bon, Paul Watson, c'est un activiste. Applaudis pas, ça m'encourage. Alors, Paul Watson, c'est un activiste écolo. Alors, lui, il aime bien sauver des baleines. Voilà, c'est son truc, quoi. Moi, j'aime bien sauver les gens qui disent Stéphane Guillon, c'est un bon bol d'air. Mais lui, c'est les baleines. Voilà, c'est son truc. Alors, mais Paul, il a eu des problèmes, là. Uyuyuy. Il a été emprisonné parce qu'il a essayé d'empêcher la campagne de pêche d'un baleinier dans les eaux du Japon. Et en ce moment, il est en prison au Groenland. En attendant que la justice danoise se prononce sur sa demande d'extradition en Asie. Même moi, j'ai pas compris ce que je disais. Bon, ouais. Non, mais c'est juste fou d'être en prison pour défendre des baleines, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Mais ils rigolent pas, les Danois. Après, c'est sûr, quand on tripe, c'est de tuer des milliers de dauphins pour le plaisir de plonger dans du sang. Tiens, en prison, ils vont être là. T'es là pour quoi, toi ? J'ai bu dans un crâne de bébé vivant et je me suis servi de crabe mort pour pénétrer la petite sirène. Et toi ? J'ai sauvé des baleines. Mais t'es un monstre ! En plus, encore au Danemark, là, ils ont arrêté Greta Thunberg parce qu'elle voulait arrêter de tuer les Palestiniens. Les Danois, leur devise, c'est foutez la paix aux gens qui veulent tuer. À mon avis, ils vont détester la nouvelle recette du Nutella. Merci d'avoir écouté. Aymeric Lomprey, mesdames, messieurs. C'était brillant, une fois de plus. Ouais. Ça nous éclaire sur l'actualité. Mais oui, pense mieux après. Là, je vais au fond du sujet. C'est incroyable. Et en plus, après, mon taf, c'est de trouver une question avec un lien. Non, tu vas aller le voir, je suis un professionnel, vas-y. Vous allez voir. On parlait d'activisme. Johan Chapoutot, qui est avec nous, historien, spécialiste du nazisme. On a l'impression, on l'a dit depuis le début de l'émission, il y a un climat des années 30, l'extrême centre, ça lie avec les fachos. Il y a même des gens qui disent, dont vous, qu'on vit une époque pré-fasciste. Pré-fasciste. Donc on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de fatalité. Et quoi qu'on dise, on peut faire des émissions sur Nova ou faire des manifs avec des pancartes, ça va arriver. Comment on lutte contre cette fatalité et est-ce qu'on peut lutter ? Si vous dites non, on emballe, on va prendre une bière et on meurt. Bah, non ! Ok, allez. Non, mais...